non pas le jour, je bois toujours, je fais l'amour dans du velours, je bois la nuit, et oui aussi, je fais pipi sur Sarkozy, je bois la nuit, et oui aussi, je fais pipi sur Sarkozy, je bois le jour, je bois toujours, je fais l'amour dans du velours. Quand ça bossait, j'ai mal aux pieds, j'ai les souliers, veulent pas y aller. Je bois partout, je bois surtout à cause de tout c'est fou. Je bois partout, je bois surtout à cause de tout c'est fou. Quand je pars bosser, j'ai mal aux pieds, j'ai les souliers, veulent pas y aller. Président, j'ai mal aux dents et c'est marrant en dégueulant. Qu'est-ce que je peux faire pour mes affaires? Soit des enfers, je les laisse par terre. Monsieur le Président, j'ai mal aux dents et c'est marrant en dégueulant. Qu'est-ce que je peux faire pour mes affaires? Soit des enfers, je les laisse par terre. En me posant, j'ai mal en dents, c'est pas marrant d'être énervant. Quand je bois tout, je bois tout fou, j'suis comme un fou, je fais des trous. Quand je bois tout, je bois tout fou, j'suis comme un fou, je fais des trous. En me posant, j'ai mal aux dents, c'est pas marrant d'être énervant. Je peux plus bosser, je suis énervé, faut y aller, c'est ça le métier, c'est de la folie, car moi aussi, j'ai des envies de ravioli, c'est de la folie, car moi aussi, j'ai des envies de ravioli, je peux plus bosser, je suis énervé, faut y aller, c'est ça le métier. Je bois le jour, je bois toujours, je bois le jour, je bois toujours, je bois la nuit, et oui aussi, je bois la nuit, et oui aussi, quand je pars bosser, j'ai mal aux pieds, quand je pars bosser, j'ai mal aux pieds, je bois partout, je bois surtout, je bois partout, je bois surtout, monsieur le président, j'ai mal aux dents, monsieur le président, j'ai mal aux dents, qu'est-ce que je peux faire pour mes affaires, qu'est-ce que je peux faire pour mes affaires, en me posant. Quand je bois tout, je vois tout. Quand je bois tout, je vois tout. Je peux plus bosser, je suis énervé. Je peux plus bosser, je suis énervé. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Mais pour toujours, je suis énervé.